Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame juu ya kusoma neno. Prenons nos Bibles en Daniel. Tube ma Biblia yetu mu Daniel. Je danse au chapitre 2. Sura yake ya pili. Dans son verset 31. Mustari ya makumi tatu na moja. Oh, roi, tu regardais. Oh, mfalme ulianza kuangalia. Et tu voyais une grande statue. Na uliona sanamu mkubwa. Cette statue était immense. Na ile sanamu ilikuwa mkubwa kabisa. Et d'une splendeur extraordinaire. Na yenye kungara mnamna ya kushangaisha. Elle était debout devant toi. Et son aspect était terrible. Ilikuwa ilisha kushimama kumbele yako na hali yayo ilikuwa ya hatari. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana ongeze mabaraka kusomea neno yake. Nous allons parler brièvement de ces quatre royaumes. Tulisema zaidi muhimu. Nous allons parler. Tutasema zaidi muhimu ufalme ine. Pour montrer comment Dieu a utilisé ces royaumes. Dieu a konesha namna kani Mungu alitumikisha ka ile maufalme. Pour accomplir la vision qu'il avait donnée à son serviteur Daniel. Dieu a kutimiza ono ile alikaburiaka mtumishi wake Daniel. Ainsi que la vision qu'il avait donnée à Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Na ile ono alikaburiaka Nebuchadnezzar, mfalme wa Babylone. Comme nous l'avons dit hier. Vile tulitokea kusema jana. Le temps des nations a commencé avec le royaume de Nebuchadnezzar, la Babylone. Wakati ya mataifa ilianza na ufalme wa Nebuchadnezzar ku Babylone. Nous avons dit dans les jours passés. Tulimionyesha mashiku inapita. Que le royaume de Nebuchadnezzar. Kusema ufalme wa Nebuchadnezzar. Ou le royaume de Babylone. Au ufalme wa Babylone. Il avait commencé en 1906. Ile ilianzaka 1906. C'est achevé en 1900. Le royaume de Babylone qui avait commencé en l'an 606. Au falme à Babylone, il y a un zaka moumoua 606. Et c'est terminé en l'an 538. Na il malizika ka moumoua 538. Si vous faites un peu de calcul rapide. Quand on a fait une sabou ya raka. Vous remarquerez que ce royaume a duré à peu près 68 ans. Mutaona kusema ile ufalme ulikawiaka kadiri miaka 68. Dans le livre de Daniel au chapitre 38. Mu kitabu kya Daniel sura yake ya au chapitre 2, verset 38. Musura yake ya pili, mustari makumi tatu na munane. Vous remarquerez que son royaume était représenté par la tête d'or. Mutaona kusema ile ufalme ilionekanishwa na kichwa kya dhahabu. Et en même temps, c'est le même royaume que Daniel avait vu. Dans la vision des animaux. Mwakati moya moya ni ufalme moja moja ile Daniel aliona mkono ya banyama. Lorsque nous prenons son verset 4 de Daniel 7. Wakati tunabeba mustari yake ya 4 ya Daniel sura yake ya 7. Le premier était semblable à un lion. Ule wa kwanza alifanana na simba. Et avait des ailes d'aigle. Na alikuwa na mabawa ya ntai. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Niliangalia kufikia paka mwakati mule mabawa yake ilitoshwa. Il fut enlevé de la terre. Alitoshwa pa dunia. Et mis debout sur ses pieds comme un homme. Na akashimama pa mikulu yake sawa mtu. Et un cœur d'homme lui fut donné. Na roho ya mtu ikamupewa. La tête d'or. Kichwa cha dhahabu. Dans Daniel chapitre 2 au verset 38. Mo Daniel sura yake ya pili mstari wa 12:8. Représente un pouvoir royal absolu. Iko naonesha mamlaka ya kifalme ya nguvu. Ka caractérisé le royaume de Nebuchadnezzar. Ile ambayo ilipatikana kwa ufalme wa Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar avait un pouvoir royal absolu. Nebuchadnezzar alikuwa na ufalme, alikuwa na uwezo ya kifalme ya nguvu. C'était un homme qui aimait la guerre. Alikuwa mtu alianza kupenda vita. Et en même temps, na wakati il mwemoye, était à la recherche de richesses. Alikuwa mkutafutisha mali. Et si nous prenons le premier caractéristique du royaume de Babylone, na tukibeba tabia ya kwanza ya ufalme ya Babyloni, vous trouverez les mêmes traces dans les quatre royaumes. Mutaona mko paka nyayo moyamoya mwile maufalme ine. Même dans le trois qui vont succéder au royaume de Babylone. Hata ile tatu ambayo itakabuliana mfalme wa Babylone. Ils aiment la guerre. Wanapenda mavita. Et ils sont à la recherche des richesses. Na beko mkutafutisha mali. Et vous comprenez que c'est l'esprit de Satan qui était en eux. Na mtavumbula kusema ni roho ya shetani ilikuwa ndani yao. Mais dans Daniel au chapitre 7, dans le verset 4 que nous avons lu, lakini mu Daniel sura ya 7 mstari ya 4 ile tunatokea kusoma. Dans la même vision qui est représentée dans les animaux, muono moyamoya yenye kuonekanisha banyama, Daniel avait vu un aigle. Daniel aliona ntai. Il avait vu un lion. Aliona simba. Avec les ailes d'aigle. Alikuwa na mabawa ya ntai. Ici le lion avec les ailes d'aigle. Hapa simba na mabawa ya ntai représente toujours un pouvoir absolu. Iko naonekanisha kila mara uwezo ya nguvu. Mais qui se caractérise dans la rapidité de ses conquêtes. Lakini yenye iko natambulikana mu haraka ya kukombana kwake. Quand vous prenez les conquêtes que le royaume de Nebuchadnezzar a fait, kama mnabeba ma vita ile ufalme wa Babiloni ilifanya, vous remarquerez que c'était d'abord un royaume, un pouvoir très fort. Mutavumbula kusema ilikuwa ni uwezo moya ya nguvu. Vous remarquerez que c'est un pouvoir absolu. Ilikuwa ni mamlaka moya ya nguvu. Caractérisé par une dictature à outrance. Yenye ilitambuliwa mukukazisha bintu kwa nguvu. Mais lorsqu'il fondait sur un royaume ou sur un peuple, c'était avec une rapidité terrible. Wakati ilianza kuikala yule ya ufalme fulani ilikuwa ni mwaraka ya haraka. C'est ainsi qu'il est représenté ici comme un lion avec les ailes d'aigle. Ndio kwa maana hapa banamuonekanisha sawa simba na mabawa ya ntai. L'aigle vole plus haut. Tai analukaka yulu zaidi. Et il est très rapide. Na anekalaka haraka. Quand un aigle veut attaquer sa proie, wakati ntai anatafuta kukombanisha chakula yake, il essaie de se lever à un niveau très élevé, anaanzaka kwanza kuluka fasha yulu zaidi, au point que sa victime ne peut pas le remarquer, le voir. Ukipimo kia ule kuna kuya kukombanisha asta vumbula kumuona. Et quand il descend pour attraper sa proie, c'est avec une rapidité de telle manière que sa proie n'a pas le temps de se défendre. Na wakati wanashuka juu ya kubamba sasa chakula yake ni na haraka yenye ile chakula itavumbula kusema beko na kuya kunibamba. Si vous regardez dans la conquête de Jérusalem, kama mnaangalia mkukamata kwa Yerusalemu, Nebuchadnezzar a fondu sur Jérusalem d'une rapidité terrible. Nebuchadnezzar alibambaka Yerusalemu mwa haraka moya ya nguvu. De telle manière que même le roi ne pouvait pas faire un autre mouvement pour échapper. Kufikia mkipimo kila hata mfalme asikupata kufanya nyingine ali juu ya ponyoke. Mais malgré sa force, lakini atant vile nguvu yake, parce qu'un lion est un animal fort, d'un simba ni nyama wa nguvu, le lion n'est pas tellement brutal, simba ashikalake wa kusonga songa mbio mbio, il n'est pas brutal, il n'est pas tellement agressif, ashikalake wa kukombana na bantu mbio mbio. Mais lui peut attaquer lorsqu'il est provoqué avec un objectif de se défendre. Lakini yeye anaweza kukombana ni wakati banamchokoza yeye na kifukuzio cha kusema ajikombanie. Et il attaque aussi na anakombanaka lorsqu'il est affamé. Anekalam kukombana wakati kuna njaa. Mais lorsqu'il a déjà pris sa proie, lakini kama chakupata chakula, il mange sa proie. Il est rassasié. Anajiba. Il va dormir. Anendaka kulala. Il va se reposer. Anenda kupumzika. C'est pourquoi on l'appelle. C'est un roi paresseux. Ni mufalme muvivu. Qui aime beaucoup dormir. Napendaka sana kulala. Après avoir mangé. Kisha yekula. Mais c'est un animal qui fait aussi peur. Lakini ni nyama tena naletaka boka. Vous ne pouvez pas l'affronter en face. Hawezi kukombana naye kwa uso. Sa présence fait trembler tout le monde. Uwepo yake natetemeshaka bantu bote. C'est les caractéristiques qu'on a trouvées dans le royaume de Babylone. Ni tabia ambayo ilipatikana mu ufalme ya Babylone. Sous le règne de Nebuchadnezzar. C'est vrai. Nikweli. Il allait de lieu en lieu. Alianza kwenda huku na huku. Pour aller conquérir des territoires afin d'avoir des richesses. Juu ya kwenda kubamba majimbo juu apate kupata mali. C'est ainsi que vous verrez dans le royaume de Babylone avec Nebuchadnezzar. Ni mwina mna mtaona mufalme na Nebuchadnezzar. Chaque fois qu'un roi ou qu'une nation se soulevait contre lui, kila mara mufalme au taifa moja ilianza kulamuka juu mkombanishe, ou s'abstenait de payer des impôts, au ilianza kukatala kulipa ko chikum nini, le roi Nebuchadnezzar fondait sur ce peuple. Mufalme Nebuchadnezzar alianza kutawala ile taifa. Il allait envahir ce peuple. Aliendaka kubamba ile taifa. Mais malgré sa force, lakini ata nguvu yake ile, malgré cette erreur, ata vile kogopesha kwake kule, malgré ses rapidités dans les contextes, dans les conquêtes, ata vile alikuwa wa haraka mukukombana, après tout il fut vaincu. Kumwisho ya yote aliwinwa. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Dieu avait vu le commencement de ses royaumes, le travail qu'il a bâtiré pour son compte, et il a vu aussi l'orgueil que ce roi manifesterait avec sa royauté. Na aliona kiburi kile le mfalme ataonekanisha na ufalme yake. Et Dieu aussi avait déjà arrêté sa fin. Na Mungu alikuwa ashakupanga mwisho yake. Oui bien aimé frère. Ndio mpendo anduku. Le royaume de Nebuchadnezzar. Ufalme ya Nebuchadnezzar a atteint sa grandeur c'est sous le règne de ce dernier. Ilipataka bukubwa wake ni wakati ya utawala ya Nebuchadnezzar. Il a atteint son apogée avec le roi Nebuchadnezzar. Ilifika kama kipimo kia yulu sana na huyu mfalme Nebuchadnezzar. Après Amurabi kisha, qui a régné en 1900 kisha Amurabi avant Jésus-Christ mu 1900 mbele ya Yesu Kristo. Et il y a eu aussi un autre roi Nebuchadnezzar. Ulikuwa mfalme mwingine jina yake Nebuchadnezzar qui a régné vers 615 avant Jésus-Christ. Ulitawalaka mu 615 mbele ya Yesu Kristo. Mais après tout, lakini mwisho ya yote, ce n'était que des hommes. Walikuwa bantu. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. Abakupasha kwenda mbali. Dieu les a utilisés pour un temps. Mungu alibatumikisha tu juu ya wakati mmoja hivi. Il a utilisé ce royaume pour un temps. Alitumikisha ufalme juu ya wakati. Et son temps devait arriver à sa fin. Na wakati yao ilipasha kufika kumwisho. Et ce royaume devait laisser place à un autre royaume. Na hii ufalme ilipasha kuacha fasi kwa ufalme mwingine. C'est pourquoi ici à cause de sa force, de sa puissance. Ndio kwa maana hapa juu ya nguvu yake, juu ya uwezo na kuogopesha kwake. Et de sa rapidité dans les conquêtes. Na haraka mumanvita. Dieu l'a représenté par un lion. Mungu alimkonekanisha sawa simba. Mais il y a des ailes d'aigle. Lakini mwenye kwa na mabawa ya ntai. C'est pourquoi l'écriture dit. Ndio maana ndiko nasema. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Niliangalia kufikia paka mkipima mwile mabawa yake balitosha. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Alitoshwa pa bulongo na akashimama pa mikulu yake sawa mtu. Lorsque ses ailes furent arrachées, wakati mabawa yake balitukunya, alors il a perdu sa force. Pale alipotesha nguvu yake. C'est vrai frère et sœur. Ni kweli nduku na dada. Ce royaume a été utilisé comme un instrument de Dieu. Iu maufalme ilitumikishwa sawa chombo cha Mungu. Pour punir premièrement Dieu a kuapiza kwanza Tyr. Et deuxièmement, c'était pour punir Israël. Na kiapili ni Dieu a kuapiza Israël. Le roi de Tyr était devenu très orgueilleux. Mufalme wa Tyr alikuwa anakuwa na kiburi zaidi. De telle manière qu'il n'avait plus de respect aussi envers le Seigneur. Kufika mkipimo asikuanza tena kuheshimia Mungu. À cause de ses multiples péchés, juu ya bwingi wa mazambi yake, Dieu a utilisé Nebuchadnezzar. Mungu alitumikishaka Nebuchadnezzar pour briser ce tyran. Juu ya kwenda kumuvunja. Dans Ézéchiel au chapitre 26. Mu Ézéchiel 26. Pouvons commencer au verset 1 jusqu'au verset 10. Munaweza kuanzia pa mstari wa kwanza paka ya 10. La 11e année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Mwaka wa 11, siku ya mwezi wa kwanza, neno ya milele ilinielekea mimi semo. Fils de l'homme, mwana wa mtu, parce que tu a dit sur Jérusalem, ah, ah. Juu Tiro, alisema yule ya Yerusalema, ah, ah. Elle est brisée. Anavunjika. La porte des peuples, mulango ya mataifa, on se tourne vers moi, inanigeukia mie. Je me remplirai, tajazwa. Elle est déserte, na inakuya jangwa. Ici le roi de Tyr, apa mfalme wa Tiro, s'est moqué de Jérusalem, alianza kuchekelea Jerusalem, pour dire, ya kusema, maintenant Jérusalem sera détruite, sasa Jérusalem itapomonwa, et tous les gens qui fréquentaient ces portes n'y seront plus, na bote bale qui la fréquentaient n'y seront plus, bote bale vile unaitembelea bata kuu yako, elle ne sera qu'un désert, itakuwa jangwa. Et moi aussi à mon tour, na mimi nga turu yangu, ah je m'enrichirai, nitapata utajiri. Et quand le roi de Tyre a eu cette pensée, na wakati mfalme wa Tyre alipata hii mawazo, en se moquant de Jérusalem, moku chekelea Yerusalema, c'est à ce moment-là que Dieu aussi envoie ni mwile wakati pena Mungu alimutumia Nebukadnezar pour lui régler des comptes, juu ya kwenda kumulipisha kisasi. À cause de cela, juu ya ile, parce que tu t'es moqué d'Israël, juu ulitekelea Israel, tu t'es moqué de Jérusalem, ulitekelea Yerusalema. À cause de la destruction qui est annoncée, juu ya uharibifu inatangaziwa. À cause de la terreur, juu ya kuogopesha qui va les saisir, napata bashika. Comme toi tu t'es moqué de cela, vile wewe ulitekelea ile, ainsi par le Seigneur l'Éternel, hivi wa milele wa Bwana anasema, voici je m'en vais à toi Tyre, tazama mimi nakuja kwako Tiro, je ferai monter contre toi des nations nombreuses, nitatuma ku ngambo yako ba mataifa ya mingi, comme la mer fait monter ses flots, vile bahari na la mushaka mabimbi yake, elles détruiront les murs de Tyre, itapomona kibumbashi cha Tiro, elles abattront ses tours, itapomona mabikuta yake, et j'en raclerai la poussière, na nitalamusha mvumbi, je ferai d'elle un rocher nu, itafanya na kuwa mwamba ya shipuka na kintu. Elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra les filets. Itakuwa mubahari fwashi pale wanaweka makila. Car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Juu mirisema hivi Bwana wa milele anasema. Elle sera la proie des nations. Itakuwa chakula ya mataifa. Ses filles sur son territoire. Babinti yake mujimbo yake. Seront tués par l'épée. Batawawa na mpanga. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Na batajua kusema niko wa milele. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Hivi wa milele Bwana anasema. Voici j'emmène du septentrion contre Tyre Nebukadnezar. Tazama natuma kutokea ku septentrion kumkombanisha Tyre Nebukadnezar, roi de Babylon, mfalme wa Babylon, le roi des rois, mfalme wa wafalme, avec des chevaux, na des chars, magari, des cavaliers, mapanda farasi, et une multitude de peuple, na mubwingi bwa bantu, il tuera pas les petites filles, batawe kupita mupanga sur ton territoire, babinti yako mujimbo yako, il fera contre toi des tranches de retranchements, bataoua kwako, il fera contre toi des retranchements, kuchumbula manji mufasha kufichamia badui, bata kuchumbula manji mufasha kufichamia kwako. Là ce sont les tranchées que l'armée fait pour se protéger contre les attaques des ennemis et pour attaquer l'ennemi. Ile ni manjimu ba askari banawekaka juu ya kuweza kujikinga kwa adui na juu ya kukombanisha adui. Il levera contre toi des terrasses, batafanya kwako, edressera contre toi les boucliers, na bataweka mangabo. Il dirigera les coups de son bélier, bataongoza makuu ya mabelie yabo, contre tes murs, kubibumbashi byako, et il renversera tes tours avec ses machines, na batapomona bile bibumbashi byako na mamashini yabo. Quand vous prenez le verset 11, vous mettez à 11, il coulera dans tes murs avec les sabots de ses chevaux, batafunyanga mubiwanja byako, na il tuera ton peuple par l'épée, batawa taifa kwa mpanga, et les monuments de ton orgueil tomberont à terre, na ile monima ya kiburi yako itaanguka pabulongo. Vous voyez, Tyre aussi était une ville fortifiée, mtaona kusema Tyre nayo ilikuwa mji wa nguvu, et le roi de Tyre na mfalme wa Tyre était aussi devenu orgueilleux, alikuwa anakuwa na kiburi. Mais comme maintenant c'est Nebukadnezar qui régnait à Babylon, na sa vile ni Nebukadnezar alitawala ku Babylon, à cause de ce qu'il avait fait, donc Tyre, à cause de ce qu'il avait fait contre Israël, ku kile Tyre alifanya juu ya Israël, et avec le péché qui est né aussi en lui, na ile nzambi lilamuka ndani yake, Dieu avait résolu de le châtier. Mungu alibeba mipango ya kumupika. Et Dieu a utilisé aussi en même temps, na Mungu alitumikisha paka wakati moya moya, Nebukadnezar pour châtier Israël. Nebukadnezar juu ya kuapiza Israël. Ça vous pouvez le lire dans Jérémie au chapitre 25, dans son verset 3 à 14, vous pouvez aussi le lire dans 2e roi, dans son verset 1 à 10, vous le lirez aussi dans Jérémie 36, dans son verset 29, et vous pouvez aussi le lire dans Jérémie au chapitre 52, à partir du verset 1, vous pouvez aller jusqu'au verset 34. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il régna, lorsqu'il devint roi. Et il régna 11 ans à Jérusalem. Dans son verset 2, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, exactement comme avait fait Joachim. Dans son verset 3, et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda. Lorsqu'il voulut rejeter devant sa face, et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Na Sédécias akatomboka mfalme wa Babylone. La 9e année du règne de Sédécias, mwaka wa 9 ya utawala wa Sédécias, le 2e jour du 10e mois, siku ya pili ya mwezi ya 10, Nebukadnezar mfalme wa Babylone vint avec toute son armée contre Jérusalem. Akakuya na jeshi yake yote kukombanisha Yerusalemu. Il campèrent devant elle. Akaweka nkambi kumbele yake. Et élevèrent des retranchements. Na kuchimba manjimo. Tout autour. Pembeni yake. La ville fut assiégée. Mukini bari bamba. Jusqu'à la 11e année du roi de Sédécias. Ufikia paka mwaka wa 11 ya mfalme Sédécias. Le 9e jour du 4e mois, la famine était forte dans la ville. Siku ya 9 ya mwezi ya 4 njala ilikuwa mkubwa mumuji. Et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Na akukukwe mukate juu ya bantu ba mukini. Vous pouvez lire cela jusqu'à la fin. Mnaweza kusoma mpaka mwisho. Quand vous arrivez dans le verset 11, wakati nafika mstari wa 11, le roi de Babylone est entré. Mfalme wa Babylone aliingia. Ah, il a saisi le roi de Jérusalem. Alishika mfalme wa Babylone. Sédécias. Sédécias. Il a saisi le roi. Alimushika mfalme. Ici, je parle. Hapa niko nasema. De Nebuchadnezzar, ya Nebuchadnezzar, que Dieu a utilisé comme un instrument, ule Mungu alitumikisha sawa chombo, pour châtier Israël à cause de ses péchés. Dieu a kukumbanisha Israël juu ya dhambi yake. Et maintenant, Dieu utilise Nebuchadnezzar, wakati sasa Mungu anatumikisha Nebuchadnezzar, il est entré dans la ville de Jérusalem, aliingia mji wa Jerusalem, et Sédécias fut saisi. Na Sédécias alipata ile habari. Elie, il fut saisi. Paka mbamba. Bari mbamba Sédécias. Il fut lié. Na bari mfunga nkamba. Ses propres fils. Batoto yake mwenyewe. Oh, il les a crevés. Bari batobola macho. Et Nebuchadnezzar. Na Nebuchadnezzar. A pris le contrôle de Jérusalem. Alibeba uongozi ya Jérusalem. Il brûla la maison de Dieu et la maison du roi. Akachoma nyumba ya Mungu na nyumba ya mfalme. Et toutes les maisons de Jérusalem. Na manyumba yote ya Yerusalemu. Ça c'est dans le verset 13. Hapa ni mstari wa 13. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Akachoma kwa moto manyumba yote yenye kwa na ya bei. Dans le verset 14, toute l'armée des Chaldéens, jeshi yote ya Chaldéens, qui était avec les chefs de garde, ile ilikuwa na bakubwa wenye kuchunga, démolit toutes les murailles, ikapomona vibumbashi vyote, forma l'enceinte de Jérusalem. Bile vilikuwa na fuanya Yerusalema. Vous voyez bien mes frères et sœurs. Unaona wapenda ndugu na dada. Dieu l'avait utilisé pour punir les deux villes. Dieu a kuapiza pour les deux peuples. Hii taifa mbili. C'est pourquoi njoo kwa maana quand quelqu'un se révolte contre Dieu, wakati mtu anatombokea Mungu, Dieu enverra toujours des démons pour se venger contre cet homme-là. Mungu atatuma kila mara mademona juu ipate kukombani kulipisha kisasi yule mtu. C'est vrai. Ni kweli. La chute de Babylone. Kuanguka kwa Babylone. Est venue comme nous l'avons montré dans les jours passés à cause de son orgueil. Kulipika vile tulimeonyesha mashiku ilipita juu ya kiburi. À cause de sa méchanceté. Juu ya bubaya bwake. À cause du sang versé. Juu ya damu kumwanga. À cause de l'idolâtrie. Juu ya kuabudu kwa masanamu. Et Dieu aussi. Na Mungu naye. Pour châtier le royaume de Babylone. Juu ya kupika ufalme wa Babyloni. Il a utilisé comme jugement. Alitumikisha sawa kwa amuzi. Les Mèdes et les Perses. Ba Mèdes na ba Perses. Comme des instruments. Sawa biombo. Pour apaiser sa colère. Juu ya kunyamazisha kasirani yake. Pour déverser sa colère. Juu ya kumwanga kasirani yake. Sur Babylone. Juu ya Babylone. Parce que Jérémie avait déjà dit. Juu Jérémie alikwisha kusemaka. Après que les 70 années se soit écoulé, l'Éternel châtierait cette nation qui avait pris Israël en captivité. Et Dieu a utilisé les Mèdes et les Perses comme son instrument pour punir aussi Babylone. Sawa chombo yake juu ya kuapiza Babylone. L'église est avec moi. Kanisa wana mi pamoja. Dieu avait utilisé Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Mungu alitumikisha Nebuchadnezzar mfalme wa Babylone. Comme un instrument pour châtier Israël. Sawa chombo juu ya kuapiza Israël. Quand le temps maintenant de châtier Babylone est arrivé, sasa wakati ilifika kuapiza Babylone ilifika. À cause de son orgueil et de ses péchés, juu ya kiburi yake na dhambi yake, Dieu a suscité aussi les Mèdes et les Perses. Mungu alilamusha tena ba Mèdes na ba Perses. Ah, pour châtier le roi, pour châtier le royaume de Babylone. Juu ya kuapiza ufalme ya Babylone. Et tout cela était déjà consigné dans les prophéties. Na ile yote ilikuwa ishakuandikwa mu maunabii. Lorsque nous prenons Ésaïe 13. Wakati tunabeba Isaya 13. Dans son verset Ésaïe 13, Isaya 13. Dans son verset, commençons au verset 17 à 22. Tuanzie mstari wa 17 pa 22. Dieu parle de ce peuple qui viendrait châtier Babylone. Mungu anasemea juu ya taifa itakuwa kuapiza Babylone. Dans le verset 17. 17 mstari. Voici. Tazama. J'excite contre eux les Mèdes. Na lamusha juu ya kubakombanisha ba Mèdes. Qui ne font point cas de l'argent. Bale abashituke feza. Et qui ne convoitent point l'or. Na abatamani zabu. De leur arc, ils abattront les jeunes gens. Nabupindo yabo bataua babiana. Et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Na batakuwa bila buluma ataku batoto kiloko. Leur œil n'épargnera point les enfants. Macho yabo aitepusha batoto. Et Babylone. Na Babylone. L'ornement des royaumes. Mapambo ya kungara kwake. La fière parure des Chaldéens, urembo ya mapambo ya Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorre que Dieu a détruit. Itakuwa sawa Sodoma na Gomorre ile Mungu aliharibu. Et ne sera plus jamais habité. Haitakuwa tena fasha kuikaria. Et ne sera plus jamais peuplé. Haitakuwa tena na bantu mingi. L'arabe ne dressera point sa tente. Arabe haitaweza tena kuweka mahema yake. Et les bergers ni parqueront point leur troupeau. Na bachunga kondo abawezi kuweka tena makondo yao. Les animaux de désert y prendront leur gîte. Manyama ya mujangwa itabeba mafashi yao ya kuikalia. Ya kupumzikia. Les zibous rempliront ces maisons. Maibu itajaza manyumba. Les autriches en feront leur demeure. Ma autriche itafanya ndio fashi yao ya kuikalia. Et les boucs y sauteront. Na mambuji taluka. Les chacals hurleront dans ses palais. Mashakali tanguruma mu manyumba yabo. Et les chiens sauvages dans les maisons de plaisance. Na ma imbo ya pori mumanyumba ya mizani. Son temps est près d'arriver. Wakati yake karibu kufika. Et ces jours ne se prolongeront pas. Na masiku yake haita ongezeka. Isaïe avait déjà vu Isaïe la chute de Babylone. Kuanguka kwa Babylone. Sa destruction. Uharibifu yake. Comme lui avait détruit le peuple de Dieu. Vile yeye alipomonaka taifa ya Mungu. Dieu aussi avait arrangé qu'il y ait un autre peuple qui viendrait se venger. Mungu na alibebaka mipango ya kukwea taifa lingine akuya kulipisa kisasi. Lorsque nous prenons Esaïe 21. Wakati tunabeba Isaya 21. Vous pouvez lire presque tous les chapitres. Munaweza kusoma chapitre lote mzima. Mais nous pouvons commencer au verset 2. Lakini tutaanzia kwa mstari ya pili. On peut commencer au verset 1. Tunaweza kuanza hata kwa mstari ya kwanza. Oracle sur le désert de la mer. Oracle ku jangwa ya bahari. Mujiza. Comme s'avance l'ouragan du midi. Vile uraga ya midi kuna kuya. Il vient du désert du pays redoutable. Iko natokea kujanga kuincha kushangaisha. Une vision terrible m'a été révélée. Ono moya ya hatari ilifunuliwa. L'oppresseur opprime. Mwenye kukombanisha. Le dévastateur dévaste. Mwaribifu bana mwaribisha. Monte Elam siège Medi. Anapanda Elam na nekala ku Medi. Monte. Anapanda. Panda, monte. Anapanda. Panda. Et siège Medi. Naikala Medi. J'ai fait cesser tous les soupirs. Niko na shimamisha ma ugua kote. Vous lirez jusqu'au verset 10. Mutafika pa mstari ya 10. Que ces gens sont venus. Kwa abatu walikuya. Comme un lion pour envahir aussi le royaume de Babylone. Sawa simba juu ya kuya kukamata inchi ya Babylone. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Babylone aussi. Juu Babylone naye. Devait payer ses péchés. Ilipasha kulipa manzambi yake. Dieu a utilisé ses pécheurs. Mungu alitumikisha watenda zambi. Pour punir d'autres pécheurs. Juu ya kuapiza watenda zambi bengine. Maintenant c'était leur tour d'être puni par Dieu. Sasa ilikuwa ni wakati yabo sasa bo Mungu kuwaapiza. Dans Esaïe 43. Mu Isaya makumi ine na tatu. Dans son verset 14. Mustari yake ya kumi na ine. Ainsi par l'Éternel votre Rédempteur, les saints d'Israël. Hivi wa milele mkombozi wenu Mungu wa Israeli anasema. À cause de vous. Juu yenu. J'envoie l'ennemi contre Babylone. Mimi natuma adui ya kukombanisha Babylone. Et je fais descendre tous les fuyards. Na mimi nashusha bakimbizi bote. Même les Chaldéens. Ataba sur les rives kule ku muto dont ils tiraient gloire. Kule baranza kuonea ko utukufu yabo. Lorsque nous prenons Jérémie chapitre 50, wakati tunabeba Yeremia 50, Dieu avait déjà parlé de la chute de Babylone. Mungu alikwisha kusema kuanguka kwa Babylone. Vous pouvez lire tous les chapitres. Munaweza kusoma chapitre yote mzima. Mais j'irai en sautant. Lakini mimi nitaenda mkuluka. Jérémie chapitre 50. Yeremia 50. Dans son verset 2. Mstari yake ya pili. Annoncez-les parmi les nations. Publiez-les et levez une bannière. Muitangaze kwa mataifa na mupate kuilalamika. Publiez-les. Ne cachez rien. Muitangaze na musifichike kintu. Dites. Museme. Babylone est prise. Babylone inashikwa. Belle est confondue. Belle inapatishwa haya. Merodach est brisé. Merodach inapomoka. Ses idoles sont confondues. Masadamu yayo inapatishwa haya. Ses idoles sont brisées. Masadamu yayo inavunjwa. Car une nation monte contre elle. Juu taifa moja inapanda kuja kubanisha kutoka kwa septentrion. Elle réduira son pays en désert. Na itafanya inchi yake kuya jangwa. Il n'y aura plus d'habitants. Hakutakuwa bakaji. Homme et bête fuient, s'en vont. Bantu na nyama inakimbia inaenda. Dans son verset 18. Mstari ya 10 na 8. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Ndio kwa maana hivi wa milele anasema. Désarmé le Dieu d'Israël. Mungu wa majeshi, Mungu wa Israël. Voici. Tazama. Je châtierai le roi de Babylone et son pays. Nitapika mfalme wa Babylone na nchi yake. Comme j'ai châtié le roi d'Assyrie. Vile nilipika mfalme wa Syria. Lorsque vous prenez le verset 23. Wakati unaweka mstari wa 23. Jusqu'au verset 24. Paka mstari wa 24. Et quoi? Na ni nini? Il est rompu. Eko mwenye kuvunjwa. Brisé. Kuvunjwa. Le marteau de toute la terre. Sando ya ulimwengu yote. Vous voyez comment Dieu dit ici? Unaona vile Mungu anasema? Babylone était comme le marteau de toute la terre. Babylone alikuwa sando pa dunia yote. Il brisait tous les royaumes qui le résistaient. Alikuwa anapomona kila ufalme ilianza kukombana naye. Maintenant son heure aussi était venue. Sasa wakati yake naye ilifika. L'état aussi de payer ses dettes et ses péchés. Wakati naye akulipa dhambi yake. Était déjà là. Ilikwisha kufika. Babylone est détruite au milieu des nations. Babylone inapomoka katikati ya mataifa. J'étais tendu un piège. Nilikutekea muteko. Et tu as été prise, Babylone. Na ulishikwa Babylone. À l'improviste. Pashipo wekuyua. Tu as été atteinte, saisie. Ulishikwa na ukatika. Parce que tu as lutté contre l'Éternel. Nijuu ulikombana na wa milele. Vous voyez bien mes frères. Unaona wapendo anduku. Dans son verset 31. Makumi tatu na moya mstari. Voici je m'en vais à toi orgueilleuse. Tazama nakuya kwako wewe kibwatuli. Dis le Seigneur. Hivi Bwana anasema. Les ennemis des armées. Wa milele wa majeshi. Car ton jour est arrivé. Yushiku yako inafika. Le temps de ton châtiment. Wakati ya mapigo yako. Oui bien aimé frère. Ndio ndugu mpendwa. Même lorsque vous prenez. Hata kama mnabeba. Jérémie chapitre 51. Jérémie makumi tano na moya. Vous pouvez lire tous les chapitres. Unaweza kusoma yote. Mais je prends le verset 11. Lakini nabeba 10 na moya. Aiguisez les flèches. Mutengeneze mishale. Saisissez les boucliers. Mubebe mangabo. L'Éternel a excité l'esprit de roi de Midi. Wa milele alilamusha roho ya mfalme wa Midi. Il veut détruire Babylone. Dieu anapenda kupomona Babylone. C'est la vengeance de l'Éternel. Dieu ni kisasi kwa wa milele. La vengeance de son temple. Kisasi kwa hekalu yake. Vous voyez? Mnaona? Comme Nebuchadnezzar. Vile Nebuchadnezzar. Et son royaume. Na ufalme yake. Avait détruit le temple de Dieu. Alipomonaka hekalu ya Mungu. Ils avaient détruit la ville de Dieu. Alipomonaka muji wa Mungu. Ils avaient amené captif le peuple de Dieu. Alipeleka mutumwa wa taifa ya Mungu. Bien que Dieu châtie ses enfants. Ata vile Mungu anaanza kupiga watoto yake. Mais cette fois-ci. Sasa mwi wakati. Ils devaient payer le péché. Alipasha kulipa dhambi. Ils avaient commis. Il a refanyaka sur la ville kumuji, et sur le temple. Na juu ya hekalu. Je n'avais pas dit à Nebuchadnezzar d'aller détruire le temple. Enda kapomone hekalu. Ou aller détruire la ville. Awa kapomone muji. Dieu voulait seulement châtier son peuple. Mungu alipenda tu kupika taifa yake. Juu apate kwa batumwa. Mais lorsque Nebuchadnezzar est arrivé, wakati Nebuchadnezzar alifika, il est allé au-delà. Alienda mukupitisha. Dieu lui avait donné. Kazi ile Mungu alimkabulia. Et cela n'avait pas plu au Seigneur. Na ile kufurahisha Bwana. Dieu a laissé cela. Mungu aliacha ile. Pour que sa parole s'accomplisse. Yule ndiye apate kutimilika. Mais le péché que lui avait commis. Lakini dhambi alifanyaka ile. Voyez, en dépassant les bornes. Mukupitisha mipaka. En détruisant le temple de Dieu. Mukupomona hekalu ya Mungu. Il devait payer cela. Alipasha kuilipa ile. C'est pourquoi nous avons toujours dit. Ndio kwa tunaambia kila mara. Il ne reste aucun péché. Il n'y a aucun péché. Akikalake dhambi hata moya. Qui restera impuni. Ile itabakia bila kuipika. Quand quelqu'un est en difficulté avec Dieu. Muteko magumu na Mungu. Et que Dieu envoie quelqu'un pour le châtier. Na Mungu anatuma mtu juu kumpika. Cet homme-là doit demeurer dans les limites de la volonté de Dieu. Ule mtu anapata kushimamia mipaka ya neno ya Mungu. Par méchanceté. Sasa mtu kama juu ya roho mbaya. Et par haine. Par roho mbaya. Il agit maintenant au-delà de ce qui lui a été ordonné. Anatenda sasa kupita bile bali muamuru. Il doit payer le reste. Na yeye anapata kulipa ile nabaki. Il est sorti de la volonté de Dieu. Tu alitoka mapenzi ya Mungu. Et Dieu s'est vengé. Na Mungu alijilipisha kisasi. Parce que ces gens avaient mal agi. Jo watu walitendaka mubaya. Le roi Nebuchadnezzar. Pale Nebuchadnezzar. C'était mal comporté. Alijongozaka mubaya. C'est pourquoi. Njo kwa maana. Dieu utilisa aussi. Mungu atatumikia tena. Cyrus. Cyrus. Vous voyez. Mnaona. Pour châtier ces gens. Dieu a kupika aba bantu. Vous voyez. Mnaona. Lorsque nous prenons Daniel. Wakati unabeba Daniel. Au chapitre Daniel au chapitre 5. Daniel sura yake ya 5. Ici vous remarquerez Hapa mtaona on montre la chute banatonesha kuanguka de Babylone kwa Babylone. Comment c'est tombé namna kani ilianguka. Après cela commençons verset tuanzie pa mstari ya Daniel au chapitre 5. Daniel sura ya tano. Dans son verset 30 à 31. Mustari ya makumi tatu na makumi tatu na moya. Daniel 5, 30 à 31. Daniel tano makumi tatu na makumi tatu na moya. Cette nuit même. Usiku moya moya ile. Belshazzar, roi de Chaldéen. Belshazzar mfalme wa Kaldea fut tué akawawa. Et Darius na Darius le Mède pa Mède s'empara du royaume akabamba ile ufalme étant âgé de 62 ans mwenye kuwa na umri wa miaka 62. Dans les jours passés nous avons longuement parlé de ce qui précède. Mashiku ilipita tulisemea mirefu ya ile iko na tangulia. Comme Belshazzar. Namna kani Belshazzar. Pour montrer la grandeur du royaume. Dieu akuonesha bukubwa wa ufalme. Et le mépris le peuple de Dieu. Na kazarao kutaifa ya Mungu. Et sur l'existence de la maison de l'Éternel. Na juu ya biombo ya nyumba ya milele. Il convoqua une grande fête. Akafanya karamu munene. Dans laquelle il invita ses généraux. Mwili akaita bajamadari. Dans laquelle il invita de prostituées. Il envoya des gens pour aller chercher les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait enlevé de Jérusalem. Nous vous avons dit que cet acte-là, il était doilé. Dieu ne pouvait pas le supporter. Mungu asikupasha kuivumilia. Oui, bien mes frères. Unaona mpendo ndugu. Il y a un temps pour toutes choses. Kila kintu kiko na wakati yayo. Quand quelqu'un pêche, wakati mtu anatenda dhambi, pendant le temps de paix, wakati ya salama, il pense que rien ne lui arrivera. Eko na wacha kusema kuna kile kitamfikia. Mais Dieu a son temps. Lakini Mungu kuna wakati yake. Dieu ne punit pas comme ça. Mungu ashapiza ke tu paka hivi. Naturellement, Dieu avertit les gens. Mu kwa asili Mungu anakalamu kalamusha bantu. Avant que sa colère se déverse sur une nation, sur un homme. Mbele ya kasirani yake ipate kuangukia munta au taifa. Uwaye bien mais aussi sur une famille. Au juu ya jamaa moja hivi. Mais c'est que Belshazzar. Lakini kile Belshazzar avait fait à l'égard des choses saintes. Alifanyaka ku bintu bitakatifu. Par mépris et par orgueil. Kukiburi na kukazarau. Dieu ne pouvait pas les supporter. Mungu asikupasha kumuvumilia. C'est pourquoi Dieu. Ndio maana Mungu. Avait compté son royaume. Alihesabia ufalme yake. Dieu avait pesé son royaume. Alipima ufalme yake. Dieu avait divisé son royaume. Na akakabula ufalme yake. Il avait compté son royaume. Alihesabu ufalme yake. Pour y mettre fin. Dieu akuwa mwisho. Il avait pesé son royaume. Aliweka kipimo. Sa balance, mu balance yake, et il fit trouver léger. Et Dieu avait divisé son royaume. Na Mungu alikabula ufalme yake. Et ce royaume, na ufalme, Dieu lui dit ouvertement. Mungu akamwambia wazi wazi, dans le verset 28 de Daniel 5, ya Daniel 5, que ton royaume sera divisé. Ufalme yako itakabuliwa, et donné au Mède et au Perse. Na kukabulia kwa Mède na Perse. Vous voyez bien mes frères, c'est ainsi que ce royaume a connu le déclin. Vous voyez bien mes frères, vous voyez bien mes soeurs, il y a un temps pour toutes choses, mais lorsque Dieu a besoin de vous, marchez dans la crainte, demeurez dans la crainte, Dieu vous utilisera. Mungu atakutumikisha. Souvent c'est lorsque les gens sont utilisés par Dieu mara mingi ni wakati bantu Mungu anabatumikisha. Pour accomplir ses plans et ses objectifs, Dieu akutimiza mapu yake na vifunzo vyake. Les hommes pensent que kusema, la bénédiction ou la force qu'ils ont baraka au nguvu iko nayo vient d'eux-mêmes. Inatokea kwa wao wenyewe. Et ils commencent à se considérer na wanaanza kujiwazia comme les tout-puissants en ignorant d'où ils où ils ont tiré leur force. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. Il était fort non pas par lui-même. Alikuwa nguvu haina kwa yeye mwenyewe. Voyez, il avait la gloire non pas par lui-même. Alikuwa na utukufu haina kwa yeye mwenyewe. Il avait beaucoup de richesses non pas par lui-même. Alikuwa na mali haina kwa yeye mwenyewe. Il avait donné la domination. Ni Mungu alimpa utawala. Mais il ne comprenait pas comme c'était un roi païen. Lakini asikuelewa ile savile alikuwa mfalme mpagano. Et donc il excella aussi. Avec son royaume dans le mal, Dieu y a mis fin. Et Dieu fera la même chose avec tout homme, avec toute famille, avec tout pays, avec tout peuple, qui dans son orgueil ne veut plus s'humilier devant Dieu, qui dans son orgueil méprise Dieu, Dieu ne laisse pas ces choses sans vengeance. Chaque bitu bia hii namna bila kubilipisha. Chacun de nous. Ndio kwa kila mmoja wetu. Doit craindre Dieu. Anapaswa kuogopa Mungu. Voyez bien mes frères. Unaona wapendo wangu. Quand vous prenez le royaume de Babylone. Wakati mnabeba ufalme wa Babylone. Lorsqu'ils étaient encore forts. Wakati walikuwa wakingana na nguvu. Et que Dieu les utilisait. Na Mungu anaanza kutumikisha. Ils étaient comme le marteau. Walikuwa sa sando. Qui avait de la victoire sur tout le monde. Walikuwa na ushindi kwa watu wote. Voyez. Unaona? Personne ne pouvait croire que Babylone tomberait. Oui, mes frères et sœurs. C'est comme ça que les gens sont. Souvent les gens pensent qu'ils sont éternels. Il est vrai que dans la pensée d'un homme, il y a la pensée d'éternité. Mais quand quelqu'un est riche, il est puissant, il se sent élevé, quand il met dans son cœur, il croit aussi dans son cœur que rien de mal ne peut lui arriver, et il commence à considérer comme si sa chute est impossible. Non, bien aimés frères et sœurs, l'homme reste l'homme et la chute de tout homme est prévisible. Il n'y a pas d'homme éternel. Il n'y a pas d'homme qui ont la puissance éternelle. Il n'y a pas d'homme qui ont la gloire éternelle. Tout ce que l'homme a est éphémère et passager. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. C'est ainsi que le royaume de Babylone est tombé. Il y a angukaka. Malgré sa puissance, ata vile ilikuwa na uwezo, malgré ses richesses, ata vile ilikuwa na utajiri, malgré la terreur, ata vile ilianza kuogopesha, qu'il faisait sur toute la terre, ilianza kuogopesha pa ulimwengu mzima, malgré la rapidité de ses conquêtes, ata vile ilikuwa na haraka mumvita. Tout cela n'a pas compté pour Dieu. Devant Dieu, nous sommes rien. Hatuna kintu. Nous pouvons tomber à n'importe quand. Mwakati yote yote. Devant Dieu, mbele ya Mungu, personne n'est en sécurité. Hakuna mwenye kwa mukingo. Mais notre sécurité, lakini ukingo yetu, c'est lorsque vous vous réfugiez ni wakati unafichamia dans les plus forts, ndani ya ule wa nguvu sana, mwenye kwa Mungu mwenyezi. Et à ce moment-là, vous pouvez vous rassurer. Na mwili wakati unaweza kuwa na hakikisho. Mais en dehors de cela, lakini nje ya ile, tout est éphémère, yote ni vya chini et passager, na vya kupita. Souvent c'est dans la grandeur. Mara mingi ni mubukubwa. Et vous remarquerez. Na mtaona. Quand nous avons étudié. Wakati tutafunda. Les rois qui ont succédé Judas, le royaume de Judas et le royaume d'Israël. Bafalme bale bari kombolaka ufalme ya Yuda na Israël. Ils sont tombés au temps de leur apogée. Bari angukiaka ni wakati mule bari kwa basha kupanda yulu sana. Et souvent c'est l'orgueil et le péché et l'idolâtrie qui les enfonçait. Mara mingi ni kiburi nzambi na kuabudu masanamu kule kutaanza kubangusha. Parce que l'argent, du feza, les anges, na maisha teketeke, maisha teketeke, la richesse, utajiri, voyez, unaona. Quand les gens se sentent en sécurité, en paix, mtu anawazia kwa mukuru salama, ils oublient totalement Dieu, anasabu kabisa Mungu, et se plonge entre les mains du diable, na anajitumbukiza mikono ya shetani, et commence à vivre comme Satan, na anaanza kuishi kama shetani, et cela suscite la colère de Dieu, na ile inalamsha kasirani ya Mungu. C'est vrai, frère. Nikweli nduku. C'est pourquoi nous devons être prudents. Ndio kama tunapaswa kuwa berevu. Dieu a dit cela à Daniel. Mungu alimwambia Daniel. Il dit, anasema, fais lion, ule simba, aux ailes d'aigle, wa mabawa ya ntai, ses ailes lui seront arrachées. Mabawa yake bataitukunya. Et il sera là comme un simple homme. Nous l'avons parlé de ça. Lorsque on a parlé de Nebuchadnezzar, qui à cause de son orgueil a été chassé loin de Dieu des gens, et Dieu lui donna le cœur animal, il brouta l'herbe comme le bœuf des gens, pour que tout le monde sache qu'il n'est rien devant Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi nous devons considérer nos voies dans tout ce que nous faisons. Nous sommes fils et filles de Dieu, mais nous devons demeurer dans l'obéissance. Nous sommes les instruments par qui Dieu peut utiliser pour sa gloire, mais nous devons rester dans la volonté de Dieu et dans les limites de sa parole pour ne pas susciter la colère de Dieu lorsque nous l'abandonnons, parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Ces gens n'ont pas compris parce que c'était des païens de nature, et souvent même aujourd'hui nous ne comprenons pas correctement les manières d'agir de Dieu à cause de la nature païenne que nous avons hérité. Vous voyez bien mes frères, mais lorsque nous devenons fils et filles de Dieu, nous devons prêter attention à nos pas, sinon notre chute sera certainement là. Et cela tournera pour notre homme. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu peut vous utiliser aujourd'hui. Vous n'êtes pas la seule pierre sur la plage. Comme le royaume de Babylone pouvait se considérer, Dieu avait d'autres royaumes. Il avait d'autres peuples. Il pouvait susciter à son temps pour accomplir ses desseins. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer demain. Levons-nous pour la prière. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de survoler cela. Nous sommes en train de survoler. Parce que certaines de ces choses, nous les avons déjà dites dans le jour passé. Là où nous avons promis d'y approfondir, nous allons approfondir. Que le Seigneur vous bénisse. Prions-nous tous ensemble.